Elles sont toujours étranges, ces premières minutes. Monsieur X, nonchalamment, parle de tout et de rien. Il fait des allusions, des rappels historiques. Il évoque l'actualité, se hasarde à parler de politique. Mais il se garde bien d'aborder le sujet de notre entretien du jour, comme si il voulait en préserver le secret le plus longtemps possible. Et puis enfin, quand il a cessé de jouer au chat et à la souris, il commence. Et soudain, son visage s'anime, ses yeux pétillent, et à chaque fois, je l'avoue, je suis sous le charme, et j'oublie mon impatience première. Alors cette semaine, je ne vais pas faire comme Monsieur X et je vais aller droit au but. Mon interlocuteur a choisi d'évoquer un épisode peu connu des années 50, une histoire qui sent le soufre, une histoire apparemment si scandaleuse qu'on comprend aisément qu'on l'ait longtemps passée sous silence. C'était au temps de la sale guerre, mais y a-t-il de belles guerres ? Une guerre lointaine, honteuse et qui ne suscitait en France qu'indifférence. Je veux parler bien sûr de la guerre d'Indochine, notre guerre d'Indochine, avant que les Américains ne nous relaient au Sud-Vietnam. Mais déjà, avant 1954, ils étaient largement présents et combattaient en somme par procuration. En effet, il faut savoir que les États-Unis fournissaient la presque totalité du matériel militaire utilisé par le corps expéditionnaire français. Avions, véhicules, munitions, bateaux étaient américains. Même l'essence était livrée à 100% par les États-Unis. Et leurs contributions financières se comptaient en dizaines, en centaines de milliards de francs de l'époque. En effet, alors que la Chine venait de basculer dans le camp communiste et qu'une autre guerre flambait en Corée, il leur apparaissait essentiel que l'Indochine résiste à l'offensive marxiste. Une sale guerre, ai-je dit. Oui, car même si l'opinion, dans sa majorité, n'y accordait que peu d'intérêt, sans doute parce qu'en Indochine ne combattaient que des soldats engagés, des professionnels donc, les sabotages se multipliaient dans les ports et les usines d'armement. Une guerre honteuse, oui, car les départs de troupes se faisaient la nuit, dans la plus grande discrétion. Et les cercueils des soldats tués revenaient en France dans une quasi-clandestinité, tandis que l'on refusait aux blessés le sang collecté par l'Office d'hygiène sociale. Et là-bas, à des milliers de kilomètres de la métropole, dans la jungle, des militaires français continuaient à se battre à outrance contre les petits hommes verts, les soldats de l'oncle O, menés par un général de talent, Giap. Une guerre totale, cruelle, qui va marquer durablement l'armée française. C'est en Indochine que sont formés les futurs centurions, comme les a appelés l'Artegui. C'est en Indochine que les futurs colonels d'Alger vont élaborer leur théorie de l'action psychologique. Et c'est enfin en Indochine que les futurs putschistes d'Alger vont nourrir leur désir d'en finir avec une république et un pouvoir politique qui, selon eux, court d'abandon en abandon. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer l'opération X, tel était son nom de code, une opération ultra-secrète qui a transformé quelques officiers français en trafiquants de drogue, au nom de l'efficacité, au nom du juste combat de la civilisation occidentale contre le communisme. Dans un instant, le récit de Monsieur X sur cette mystérieuse et scandaleuse manipulation. Dans le port de Saïgo, est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise. Le soir entre bon, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, sur toi qui nous élève. Ton visage, les yeux de mon bébé. caresse tour à tour. Mais le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, boisson de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le ton visage, les yeux. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Écoutez, je ne vais pas attendre que vous me posiez la question. Si je connais particulièrement bien cette opération X, comme on l'a appelée. X. Oui, X. C'est que les services secrets y ont été étroitement associés. Associés ou initiateurs? Je ne sais plus très bien. Enfin, l'important, c'est que le SDEC était partie prenante de l'opération. Et que notre homme là-bas, le colonel Maurice Belleux, a supervisé tout cela. Mais je crois qu'il faut d'abord essayer d'expliquer où on en était en Indochine au début des années 50. Et autant vous le dire franchement, ça n'allait pas très fort. Ouais, je crois que c'est en 50 hein, qu'on a évacué les postes avancés sur la frontière chinoise. C'est exact. Et ça tourne au désastre. Caobang, ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça, c'est une défaite des Français. Une terrible défaite. En 8 jours, des milliers d'hommes sont tués ou faits prisonniers. Des centaines de véhicules sont perdus. Je ne parle pas des fusils, des canons, des mortiers. Enfin bref, c'est la catastrophe. Donc il faut réagir. Oui, et d'urgence. C'est alors qu'au SDEC qu'on décide d'organiser la guérilla contre le Viet Minh. Vous voulez dire la contre-guérilla? Comme vous voudrez. Enfin, l'idée était de recruter des supplétifs vietnamiens. Attendez, si mes souvenirs sont exacts, déjà les militaires français avaient organisé des partisans indigènes, hein, des harkis vietnamiens en somme. Élie Denoise-Saint-Marc en parle dans ses mémoires. Il dit même son horreur quand, sur ordre, il a dû les abandonner et donc forcément les condamner à être massacrés par le Viet Minh. C'est bien ça? Tout à fait exact. Mais ces partisans-là avaient été mobilisés et organisés dans des zones contrôlées par l'armée française. Tandis que là, il s'agissait de les recruter dans des régions soumises au Viet Minh. Donc d'implanter de véritables maquis derrière les lignes de l'ennemi. Vous conviendrez que c'est quand même différent. Et surtout beaucoup plus dangereux. Oui, ça, je suis d'accord. Il faut dire aussi que derrière, il y avait une idéologie. Une idéologie? Oui. Oui, tous ces jeunes officiers qui se battaient en Indochine, souvent très courageusement, vivaient dans l'idée de la guerre populaire. Certains avaient lu Mao Zedong. Ah oui. Même si tous ne l'avaient pas forcément compris. Ah oui. La fameuse phrase de Mao, le révolutionnaire doit agir dans la population comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'était devenu leur credo. Mais ils oubliaient quand même qu'il était plus facile à un combattant Viet Minh de se trouver comme un poisson dans l'eau au milieu des siens qu'à un Vietnamien enrôlé par l'armée française. Enfin, passons. En tout cas, au début de 1950, après le désastre de Cao Bang, l'idée est lancée. C'est la naissance de ce que l'on va appeler le GCMA, c'est-à-dire le groupement de commandos mixtes aéroportés. Groupement qui était en fait le fauné du service action du SDEC. Et ça fonctionnait comment, ce fauné? Attendez, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse assez curieuse et qui est importante pour la suite de l'histoire du Vietnam. Dès cette époque, les Américains s'intéressent de très près à l'Indochine. En tout cas, je sais qu'ils aident matériellement l'armée française. Hein. Oui, mais leur ambition est beaucoup plus grande. En fait, ils voudraient bien nous évincer, nous foutre dehors, quoi. Et à l'époque de la création du GCMA, ils nous font même une proposition étonnante. Ils veulent prendre en main nos services action et renseignement en Indochine. Et les prendre en main, ça signifie quoi? Les former, les organiser. C'est un type de la CIA qui a fait cette proposition au haut commandement. Un nommé Lansdall. Un sacré personnage, puisque c'est lui qui a inspiré Graham Greene pour son célèbre roman « Un Américain bien tranquille ». Ah oui, ça j'ai lu. Ouais. Donc un homme d'expérience, incontestablement, puisqu'il venait d'ailleurs de réduire avec succès une guérilla communiste aux Philippines. Et la proposition de cet Américain bien tranquille a été refusée? Bien évidemment. Vous imaginez nos généraux accepter que nos hommes soient instruits par des Américains. Impensable. Au fond, ils préféraient perdre tout seul. C'est une façon de voir les choses. Bon, enfin, j'ajoute, et ça ne vous étonnera pas, que le projet du SDEC de création de ce GCMA n'a pas été vu d'un très bon œil par la hiérarchie militaire. Ouais. Pour quelle raison? Ces généraux, ces colonels en étaient restés au cours qu'ils avaient reçu à l'école militaire. La guerre classique, voilà tout ce qu'il connaissait. C'est-à-dire les engagements massifs, armée contre armée, ou bien encore la construction de postes fortifiés. 14-18. Oui, ouais. Alors ces opérations d'infiltration, de pénétration, ça n'était pas pour eux. Alors, parlez-moi quand même des réelles activités de ce GCMA. Je vous citerai seulement les objectifs fixés par son premier chef, le lieutenant-colonel Graal. Guérilla et contre-guérilla, ralliement d'ethnies hostiles au Viet Minh, raid d'infiltration et de pénétration du dispositif ennemi, intoxication du service de renseignement adverse, sabotage et destruction des lignes de communication, enlèvement, assassinat de cadres ennemis, etc. Un vaste programme. Oui, peut-être trop vaste même, mais l'idée principale, je vous l'ai dit, c'était de rallier des autochtones, des ethnies farouchement hostiles aux annamites, c'est-à-dire aux Vietnamiens du Delta, et qu'on pourrait facilement convaincre de combattre le Viet Minh. Donc, premier objectif, c'est d'abord le pays Thaï. Au nord. Mais pourquoi ce choix? Parce que ce sont des montagnards. En Indochine, je ne sais pas si vous le savez, ce sont les ethnies minoritaires qui occupent les hauts plateaux. Et ces gens-là n'aiment pas beaucoup leurs compatriotes de la plaine. Donc le GCMA là, a essayé d'utiliser au mieux ces antagonismes ancestraux. Oui, bah, c'était de bonne guerre, si je puis dire. Et ça se passe comment? J'y viens. Mais d'abord, il faut préparer le terrain, former nos propres hommes, construire des équipements. Par exemple, une indispensable piste d'aviation qui ne serait utilisée que par les appareils du GCMA. Et tout ça, ça prend du temps. Mais en 1951, les premiers commandos sont prêts. Et donc, vous avez dit, ils vont d'abord chez les Thaïs. Oui, dans la haute région tonkinoise. Ils sont accueillis comment? Bien, plutôt bien. Mais il faut dire que les officiers qu'on y a envoyés ont pratiqué plutôt intelligemment. Et comment là? À l'époque, ces populations étaient encore régies par des structures féodales. Donc ce sont d'abord les chefs coutumiers qui ont été approchés. Et qui ont assez facilement donné leur accord? Oui, d'autant plus facilement que les Thaïs sont plutôt de bons bougres. Ah. Alors des maquisards sont enrôlés, des actions menées avec succès. Et très vite, ces commandos du GCMA deviennent la terreur du Viet Minh. Mais malheureusement, en 1952, Giap décide de lancer une grande opération au-delà du fleuve Rouge, c'est-à-dire en pays Thaï. Et ces commandos, alors, ils sont anéantis? Pratiquement, oui. Mais il faut reconnaître que le Viet Minh a joué assez habilement en isolant les chefs de tribus de la population. Celle-ci, laissée à elle-même, n'a pas résisté bien longtemps et s'est soumise. Donc, tout est à recommencer. Oui, mais là, les gars du GCMA vont choisir une autre cible. Des gens autrement redoutables que les aimables Thaïs. Je veux des fenêtres fermées, des chambres d'asile, papier des murs, des chambres, des hôtels moisis. Chevelure des rideaux déchirés, des néons tristes. Et plus rien d'autre pour te prouver que tu existes. Et plus rien d'autre pour te prouver que tu existes. Non, plus rien d'autre pour te prouver que tu existes. Papier des murs, des chambres, des hôtels moisis. des clés, des verres ou des barreaux, des portes de fer. Le couloir allumé, le jour et la nuit comme en enfer. Une des figures de proue de ce mystérieux GCMA a été un ancien parachutiste des forces françaises libres, Déodat Puymombrun. Il a raconté ses aventures dans un livre intitulé « Chemin sans croix ». Confirmant ce que M. X disait sur l'hostilité des militaires traditionnels vis-à-vis de ces francs-tireurs chargés d'implanter des maquis, il raconte par exemple que le GCMA n'a pas été autorisé à posséder un insigne d'unité. Mais, dit-il, son action trop rapidement efficace, brisant les tabous, renversant les idées toutes faites, l'arrachera bien vite de l'anonymat. Le GCMA, écrit encore Puymombrun, a occupé une île abandonnée par l'administration française, Q-Lao-Ré, afin d'y créer une base de départ. S'implantant sur tout le territoire, le GCMA a effectué des échanges d'officiers avec les SAS britanniques en Malaisie et les États-Unis, et monter des opérations de grande envergure à partir des renseignements obtenus. Plus loin, Puymombrun affirme que le GCMA a connu une réussite quasi totale en ce qui concerne l'infiltration, le contact avec les minorités, les sabotages et destructions à l'intérieur, et même certains transports par mer qui pouvaient échapper à la marine. Une action d'autant plus efficace qu'elle aurait créé, d'après l'auteur, un véritable climat d'incertitude en zone Viet Minh. Toutefois, l'ancien officier reconnaît aussi que quelques agents Viet Minh ont réussi à s'infiltrer au sein du GCMA et que des maquis hâtivement constitués ont été décimés par l'ennemi. Pire, dit-il, un étrange chef de bande chinois a réussi à se faire larguer une impressionnante quantité d'armement sans que le GCMA puisse en connaître l'exacte destination. Mais, à aucun moment, l'auteur n'évoque le sujet principal du récit de mon interlocuteur, c'est-à-dire la mise en place de l'opération X. Nous y venons tout de suite. Quels sont ces gens autrement redoutables ? Les Méo, qu'on appelle aussi les Hmong. Des types qui ont la réputation d'être farouchement attachés à leur indépendance et qui, par ailleurs, sont de très bons combattants. Et où vivent-ils, cela ? Au nord du Tonkin, sur les hauts plateaux. Ce sont eux aussi des montagnards. Généralement, ils sont installés entre 1000 et 1800 mètres d'altitude. Et ils refusent tout contact avec leurs voisins. Pas très commode. Hein. Non, pas très commode du tout. Très jaloux de leur position élevée, ils ont un très beau proverbe. Les poissons nagent dans l'eau, les oiseaux volent dans l'air, les méos habitent sur les montagnes. Hein, c'est joli, ça. Et ils avaient accepté la colonisation des Français ? Modérément, à condition qu'on leur fiche la paix. Bah, c'est-à-dire qu'ils avaient toléré la présence française à condition qu'elle ne déborde pas sur leurs montagnes. Donc ça n'a pas dû être facile de les enrôler. Non. Il fallait y aller sur la pointe des pieds. Il fallait surtout leur faire comprendre que la victoire du Viet Minh signifierait la perte de cette liberté à laquelle ils étaient si attachés. Une liberté totale qui leur permettait en particulier de cultiver le pavot en tranquillité. Le pavot à opium ? Bien sûr. Une culture traditionnelle extrêmement rentable, comme vous le savez, à condition de pouvoir écouler la récolte. Or, dans un pays en guerre, tout devient plus difficile, même si le Viet Minh, qui avait d'énormes besoins d'argent, ne rechignait pas à acheter l'opium des Méo pour le revendre en faisant un considérable bénéfice. Attendez, l'opium, c'était une culture légale en Indochine ? Elle l'avait été. C'est même une régie officielle, la régie de l'opium qui distribuait cette drogue qu'on pouvait acheter aussi librement qu'un paquet de cigarettes. Mais en 1945, tout avait changé. Et le trafic d'opium était désormais interdit. Donc les Méo, qui avaient de tout temps cultivé le pavot, avaient dû se trouver des circuits clandestins. Et au moment où les officiers du GCMA prennent contact avec les Méo, ceux-ci leur mettent le marché en main. D'accord pour combattre le Viet Minh avec vous, mais à condition que vous nous aidiez à écouler notre opium. C'est quand même assez effarant parce que ça consistait à proposer à des officiers français, ces officiers français du GSMA, de devenir des trafiquants de drogue. Eh oui. Ils ont accepté. Bon, ne soyez pas naïfs, à la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas ? Remarquez, leur première réaction a été morale, en quelque sorte. Expliquez. Eh bien, ils se sont d'abord dit qu'ils pouvaient prendre en charge l'opium, l'acheter même pour notre industrie pharmaceutique. Mmh. Deuxième solution, on pouvait acheter l'opium et ensuite le balancer à la mer. Mais dans les deux cas, ça coûtait beaucoup d'argent. Et les ordres sont venus de haut. Pas question que l'opération coûte un seul centime à l'État. Conclusion, il fallait que l'opium soit bel et bien revendu à des vrais trafiquants. Et au passage, si ça rapportait un peu au GCMA, on fermerait les yeux sur l'origine de cet argent douteux. Mmh, mieux en mieux. Et que voulez-vous ? Ces officiers qui ont noué les premiers contacts avec les Méo ont si pensé que si ce n'était pas les Français qui s'occupaient de l'opium des Méo, c'était le Viet Minh qui le ferait à leur place. Le Viet Minh qui, grâce à ce trafic, pourrait acheter des armes pour lutter, justement, contre les Français. Avouez que ça méritait quand même réflexion. Vous avez l'air d'approuver, vous. Non, non, j'ai pas dit ça. Je vous explique simplement pourquoi on en est arrivé là, avec les meilleures intentions du monde. Et puis n'oubliez pas que les gens du GCMA étaient en quelque sorte des marginaux, au sein de l'armée, presque des clandestins. C'était quand même des officiers de l'armée française. Oui, oui, mais enfin des officiers qui travaillaient pour le ZEC. Ça faisait quand même une sacrée différence. Toutefois, vous avez raison, il y a quelques officiers supérieurs qui ont failli avaler leur képi lorsqu'ils ont été incidemment mis au courant. Ça a d'ailleurs failli faire capoter l'opération. Ça veut dire qu'il y a eu des fuites, alors. Exactement. Et à l'intérieur de la Grande Muette, ça a commencé à gronder sérieusement. Le général Salan, lui-même, qui était alors le commandant en chef de nos troupes en Indochine, a été accusé par quelques-uns de ses pairs bien intentionnés, toujours, de se livrer au trafic d'opium. Et ça a eu des conséquences ? Pas longtemps, non. L'affaire a été vite étouffée. Et le nouveau commandant en chef, le général Navarre, a décidé que le jeu en valait la chandelle. Tant pis pour la morale, il a donné son feu vert à la poursuite des contacts avec les Méo. Donc à la continuation du trafic d'opium, oui, soyons clairs. Avec un autre chef, le nouveau patron du GCMA, le colonel Trinquier. Vous avez déjà parlé de lui à propos de l'organisation d'une armée de mercenaires dans l'ex-Congo belge. Hein, c'est ça, c'est bien le même. Un personnage haut en couleur, une sorte de moine-soldat. Ascétique, courageux et naturellement d'un anticommunisme viscéral. Pourquoi naturellement ? Oh, parce que c'était un état d'esprit largement répandu dans le corps expéditionnaire. Même si, curieusement, quelques engagés avaient fait leurs premières armes pendant la résistance dans les FTP. Trinquier faisait partie de ces officiers persuadés que la guerre se gagnerait grâce à l'action psychologique. La subversion contre la subversion, en somme. Mais qu'est-ce qui va changer, là, avec l'arrivée de ce Trinquier ? Bon, tout. Tout ou presque. Trinquier veut des résultats. Et il va mettre le paquet, si vous me passez l'expression. C'est lui, réellement, qui va mettre sur pied l'opération X. Mais avant d'examiner le détail de ce trafic, je crois qu'il n'est pas inutile de s'attarder d'abord sur l'aspect purement militaire de l'action du GCMA. Oui, allez-y. La première difficulté, c'était l'armement de ces maquis arméo. Ça a été réglé par des parachutages de matériel, ou quelquefois un peu aléatoire. Mais enfin, les Méo ont reçu assez d'armes pour pouvoir équiper plusieurs centaines de maquisards. Deuxième problème, la formation. Là encore, on a procédé en parachutant des officiers et des sous-officiers. Des missions risquées. Les hommes du Viet Minh n'étaient jamais loin, et la présence d'un blanc dans un village Méo était vite repérable. Mais petit à petit, cette formation a pu avoir lieu. Donc ces maquis anti-subversifs ont pu commencer à agir. Oui, oui, assez rapidement, les maquis Méo ont obtenu des succès. Des succès dont on a peu parlé, car cette guerre se passait dans la jungle, loin de tout. Mais c'était des succès notables. Je peux aussi vous dire que les guérilleros Méo ont même réussi à construire des terrains d'atterrissage de fortune. Dans le maquis. Oui, absolument. Et ça, c'était primordial. Ça permettait le ravitaillement, l'évacuation des blessés. Et ça permettait aussi le transport de l'opium. Et pour les Méo, c'était surtout ça qui comptait avant tout. J'ai grandi, j'ai rêvé. pays des orchidées, au masque rouge et doré, qui marque un monde aussi fort que tes chats. Et je suis real, le chant de mes peines, aussi loin que mon train de départ. J'ai tourné la roue. Pour ce qui touche l'action, M. X a même parlé de succès, des maquis Méo, je me suis reporté à un numéro spécial de la revue Historia consacré à la guerre d'Indochine. Un des auteurs, Joseph Weiger, écrit par exemple qu'en 1952, à Nansan, trois groupes de maquisards totalisant 1700 hommes ont contribué à la réussite de l'opération aéroportée en harcelant les unités Viet qui convergeaient vers le camp retranché. Ils interviendront de la même façon lors de l'évacuation. Plus tard, en 1953, environ 600 guérilleros Méo et Thaï lancent un raid sur Coqueleu, où ils détruisent de nombreux dépôts. Il semble donc en effet qu'ils posent de sérieuses difficultés au Viet Minh. Témoin, cette autre citation du même auteur. Un document d'un commissaire politique de l'armée populaire reflète l'inquiétude provoquée par ces actions des maquis dans la haute région. Ce mouvement commence à nous créer de gros soucis. Nous sommes obligés de consacrer des forces importantes au nettoyage des régions dans lesquelles ces infiltrations se produisent. Il faut chercher les raisons de l'accroissement de résistance et de son aptitude à tenir contre nos forces dans le fait que nous n'avons pas le soutien de l'opinion populaire. C'est donc un aveu fait par le Viet Minh de la réelle efficacité des hommes de Trinh Kiê. Enfin, dans ce même article, Joseph Weiger souligne que lors de la bataille de Dien Bien Phu, 6 000 hommes des GCMA réussiront à immobiliser 12 bataillons du Viet Minh. En vain, comme vous le savez. Mais revenons au récit de M. X et à la contrepartie de cette création des maquis indochinois, le trafic de drogue. Cet opium ne pouvait donc être évacué par des avions militaires français. Mais encore fallait-il trouver des acheteurs. Et là, à nouveau, ce sont des officiers français qui ont joué le rôle d'intermédiaires. Intermédiaire, mais racontez. Hein. Depuis pas mal de temps, les services spéciaux de l'armée... Le deuxième bureau, oui, s'intéressait à une sorte de secte, les Bin Xuyen. Pourquoi exactement, là, ces Bin Xuyen? Parce que c'est Bin Xuyen qui était à l'origine des pirates fluviaux et qui opéraient dans le delta du Mékong, avait mis peu à peu en coupe réglée la ville de Saigon. Ouais, c'était les truands, quoi, des gangsters. Oui, ils régnaient en maître sur les maisons de jeu, la prostitution, les fumeries clandestines et bien sûr sur le trafic de drogue. Mais pour quelle raison le deuxième bureau s'intéressait-il à eux? Parce qu'ils pouvaient, à l'occasion, rendre des services dans la lutte contre les communistes, vous comprenez? Et en échange, on fermait les yeux sur leurs coupables activités. Voilà. Et ces Bin Xuyen avaient le chic pour toujours se trouver du côté de ceux qui pouvaient leur permettre de faire le maximum de profit. Pendant l'occupation japonaise, ils avaient collaboré avec la Gestapo japonaise. Puis ensuite, ils avaient fait ami-ami avec le Viet Minh. Alors, pourquoi pas les Français, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils ne vont pas le regretter. Parce que leurs affaires vont... devenir très prospères. Et comment? Grâce à nous, ils vont même pouvoir contrôler la police. Il faut dire que leur chef, Lê Văn Viên, est un protégé de l'empereur Bao Dai. et que l'armée française fera même de ce chef de bande un colonel. Donc, si je vous ai bien suivi hein, depuis le début, c'est à lui, comment dirais-je, ce Lê Văn Viên, qu'on va s'adresser pour écouler l'opium des Méo. Naturellement. Et le deuxième bureau noue les contacts. Et le trafic prend aussitôt de l'ampleur. Mais comment ça va s'organiser ? Parce que, quand même, il faut observer un minimum de discrétion. Oui, vous avez raison. Alors, ça se passait comme ça. Un DC-3 décollait du Tonkin. À bord, il y avait en général presque une tonne d'opium dissimulé. Oui, dissimulé dans des caisses de munitions. L'avion, avant de regagner sa base, faisait une escale secrète près du Cap Saint-Jacques, là où le GCMA disposait d'un camp d'entraînement. Et les caisses étaient déchargées et stockées. Stockées dans un établissement militaire, donc. Oui, absolument. Et dès que c'était possible, elles étaient transportées au PC de Lê Văn Viên, dans la banlieue de Saigon, à une centaine de kilomètres du Cap Saint-Jacques. Ni vu ni connu, j'ajoute que les Binh Xuyen étaient très bien organisés. Ils avaient implanté là deux usines de transformation de l'opium afin de le rendre fumable. Et ça, ça a fonctionné sans difficulté ? Presque, oui, jusqu'à la fin, jusqu'au départ des troupes françaises. Ah, j'oubliais quand même un détail. Les Méo, très gentiment, rétribuaient le GCMA pour chaque caisse transportée. Donc, non seulement ça ne coûtait rien, mais en plus ça rapportait. Et ça rapportait à qui ? Ben, ça rapportait au GCMA, qui s'en servait pour équiper ses maquis. Bon, enfin, je vous assure, à ma connaissance, il n'y a pas eu de détournement de cet argent sale. Ouais, vous m'avez dit, ça a fonctionné presque sans difficulté. C'est donc qu'il y a eu quand même que quelques anicroches. Oui, c'est exact, parce que toute affaire juteuse, et celle-là l'était ô combien, suscite des jalousies, vous en doutez. Mais qui était jaloux Ben, les Américains. Pourquoi ? Ils voulaient leur part du gâteau ? Il y a un petit peu de ça, oui. D'ailleurs, plus tard, quand ils seront à leur tour engagés dans le bourbier vietnamien, ils n'hésiteront pas à se faire trafiquant de drogue. Mais là, s'ils créent des ennuis au GCMA, c'est surtout parce qu'ils ont repéré de la drogue indochinoise aux États-Unis. Parce que, il faut que je comprenne là, parce que cet opium n'était pas entièrement consommé sur place dans les fumeries des Binh Xuyen. Ben oui, mais il y en avait tellement. Alors les Binh Xuyen en revendaient à la mafia corse de Saigon. Et c'était envoyé à Marseille, où l'opium était transformé en morphine ou en héroïne, et ça repartait généralement pour l'Amérique. Et les patrons du GSMA, ces officiers français, étaient au courant de tout ça ? Ben, je vais être franc avec vous, je ne sais pas. Mais il faut quand même remarquer que les truands corses de Marseille, enfin ceux qui touchaient à la drogue, la transformait et la réexpédie a été souvent des collaborateurs occasionnels du SDEC. Alors, allez savoir. Peut-être, oui. Mais revenons à l'intervention des Américains. Eh bien, le colonel Lansdale, toujours furieux d'avoir... L'homme tranquille... Qui était furieux, bien sûr, d'avoir été évincé par les Français, fait sa réapparition. L'homme de la CIA, et il enquête. Et bientôt, il découvre le poteau rose. Il dénonce le trafic. Il rédige un rapport pour sa centrale et il se débrouille assez habilement pour qu'il y ait des fuites. Enfin, des fuites qui parviennent au plus haut niveau en France. C'est-à-dire au niveau gouvernemental. Oui, et on demande une enquête à la sécurité militaire. Et catastrophe, on découvre plusieurs centaines de kilos d'opium dans les entrepôts de la GCMA. Conséquence ? Rien. Je comprends pas. Intérêt supérieur de l'État. Ah ! Ben, il a suffi d'expliquer qu'on avait absolument besoin des maquis arméo. Donc le trafic de drogue était par conséquence justifié. Circuler, il n'y a rien à voir, et l'intervention maligne de ce cher Lansdale a finalement été un coup d'épée dans l'eau. Et ensuite, quand même, après la signature des accords de Genève, comment ça s'est passé ? Comme d'habitude. C'est-à-dire ? Eh ben, on a lâchement abandonné tous ceux qui nous avaient servi, comme on abandonnera plus tard les harkis au moment de l'indépendance algérienne. Ceux qui seront sauvés et réussiront à quitter l'Algérie le seront, vous le savez bien, grâce à des officiers qui désobéiront aux ordres. Et ça a été la même chose hein, oui, tout à fait. Mais là, même si le trafic de drogue organisé par Trinquier avec les Méo est contestable et moralement condamnable, il faut reconnaître qu'en 1954, il s'est bien conduit en essayant d'aider jusqu'au bout ses maquis. Trinquier. Oui, le colonel Trinquier. Ça lui a même valu les arrêts de rigueur. Bah, il n'a pas pu empêcher, bien sûr, que les milliers de maquisards enrôlés par la France aient été pris et tués par le Viet Minh. Mmh. Ultime cruauté de l'histoire. On leur avait demandé de combattre jusqu'au bout afin d'obtenir les meilleures positions possibles à l'heure du cessez-le-feu. Sur la fin de ces maquis, je me reporte une nouvelle fois à l'article de Joseph Weiger publié dans la revue Historia. Je le cite. Le 20 juillet 1954, le sort des minorités est réglé par la signature de l'accord franco-vietnamien. Avant le cessez-le-feu, qui ne doit intervenir que le 27, des Méo et des Thaï demandent à être parachutés dans les maquis pour partager leur dernier combat. Par radio, le haut commandement français prescrit aux guerrieros de se replier vers le Laos. Les maquis de la rive droite du fleuve Rouge se mettent en marche vers l'ouest, mais se heurtent aux unités Viet qui leur barrent la route. Après des combats acharnés, 3000 seulement se fraient un passage et arrivent à Luang Prabang. Quant à ceux de la rive gauche du fleuve Rouge, ils n'ont aucune possibilité de s'échapper. Ce qu'ils demandent, ce sont des moyens de se battre jusqu'au bout. Or, nous sommes liés par les accords, mis dans l'impossibilité de répondre à leurs appels. Sollicités de leur parachuter clandestinement, armes et munitions, les services spéciaux américains opposent un refus. Les maquis des GCMA vont mourir. Plus loin, l'auteur ajoute que le problème ne posa aucune complication diplomatique. Personne ne réclama ses combattants et le Viet Minh, de son côté, ne fut que trop heureux de régler la question sans tambour ni trompette. Pour revenir à l'essentiel du récit de M. X sur le trafic de drogue, si vous voulez en savoir plus, je vous propose de vous reporter au livre de Faligo et Krop sur l'histoire du SDEC, livre intitulé « La piscine ». Vous pouvez également lire l'ouvrage que le colonel Trinquier a consacré aux maquis indochinois. Je vous retrouve samedi prochain. Ensemble, nous ouvrirons un dossier avec M. X.